Audiomatique. Transmission 577 d'Audiomatique s'ouvrait sur une composition du projet Pacawakai Munan, réunissant deux artistes ethno-musicologues péruviens dont la recherche anthropologique et musicale s'intéresse aux instruments avant préhispaniques. Ceux-ci ont donc recréé certains instruments utilisés par les civilisations préhispaniques au Pérou pour les utiliser dans des compositions contemporaines, ce qui donne comme résultat l'album El Tiempo Quiere Cantar, duquel nous avons entendu la pièce Paca Wakai Munanka. Et maintenant, c'est au tour du projet anglais X-Ray d'assurer la continuité audiomatique. Thank you. Thank you. nous avions droit à Audiomatic, à la formation danoise After Klang, de son mini-album Under Giant Trees, enregistré en direct en studio à la fin de 2005 et paru en 2007, nous entendions la chanson Émile Bierel. Et pour débuter la séquence, nous avons joué le projet anglais X-Ray, mené par Elena Tonra, chanteuse du groupe Daughter, de la compilation Bills and Aches and Blues, lancée en 2021. Nous écoutions la reprise qu'a fait le projet X-Ray de la chanson Misery is a Butterfly, originalement composée et interprétée par le groupe Blonde Redhead. La compilation Bills and Aches and Blues comprend divers artistes de l'étiquette anglaise 4AD qui reprennent des chansons d'autres groupes ayant marqué l'histoire de 4AD. Et allons-y maintenant avec une suite de deux pièces composées par le percussionniste américain Makaya McCraven. Thank you. audiomatique, nous venons d'entendre The Chemical Brothers, la pièce titre du mini-album Loops of Fury, qui est paru en 1996. Avant cela, c'était la courte pièce Dust Shuffle, issue de la collaboration entre les artistes Brian Eno, John Hopkins et Leo Abrahams. Cette collaboration se matérialise à travers les 15 compositions de l'album Small Craft on a Milk Sea, publié en 2010. Et pour amorcer la séquence musicale, nous entendions une suite de deux pièces intitulées New Blue et Technology, composées par Makaya McCraven et sur lesquelles les artistes Tion Cross et Ben Lamar Gay apportent leur contribution, le premier au trombone et le second à la trompette, au synthétiseur et à sa voix. Les pièces entendues se retrouvent sur l'album Off the Records de Makaya McCraven, publié au mois d'octobre 2025. Audiomatique se poursuit maintenant avec le groupe anglais Daughter. Thank you. s'agissait à Audiomatic de la formation américaine Ceremony et la chanson Calming Water Synthetic Remix de son album In the Spirit World Now Synthetic Remixes paru en 2020 et qui est en fait une réinterprétation des pièces apparaissant sur l'album In the Spirit World Now sorti en 2019 mais avec l'emphase mise sur une instrumentation dominée par l'utilisation des synthétiseurs. Précédemment à Ceremony, nous avions droit au projet anglais Châtelaine, mené par Tony Holliday, ex-membre du groupe Curve. De son premier album en tant que Châtelaine, intitulé Take a Line for a Walk, et lancé en 2010, nous vous présentions la chanson Head to Head. Tout juste avant, et ce qui amorçait par le fait même ce bloc musical, c'était la formation anglaise Daughter, de la bande originale composée pour le jeu vidéo narratif Life is Strange Before the Storm, développé par Square Enix. Nous entendions la chanson A Hole in the Earth. Et c'est sur la musique du projet Mind in a Box que se conclura cette transmission d'Audiomatique. De l'album Memories, sorti en 2015, nous entendrons la pièce Silent Pain. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique.cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre et qui sait même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors pour terminer, Mind in a Box et sa pièce Silent Pain. C'était Audiomatique avec les Sonoristes. Secrets left behind.